Eleorei Mago, cri d'alarme. Honorable Pius Mwabilo, de Onkousou qui s'allume banda soif de servir les autres. Nazala ki boke o moko fumula ki naï, mon pata si o moko moto de portika ki poso, oye yo yo kouta ki a motouna. Li souso melisa ki naï kominyo nanuna koulite, peche mokren zama limbi satama, na komisa mo peche penye. Oloto Serge Kayembe, Oloto Pacho Panda. Nabungi si charisma sera teinte, un bébé qui pleure, na katia bersonye, ange gardien kakayebi le pourquoi, mon okoyo ne porté par Olanzoto, mon dema yebi si yo malobo koyi koloba, libu moi yebi si yo kinzalo weli si koloba. Poids de mesure à l'édo. Réponse est bien ça, ma moi d'un litoï. Raison qu'au bimali pas mes athées. Érosion et pas solide, les lobes à la balaye. Mature les quatre mots, toi qu'a dit sa thé. Nazana défense, nazani attaque. Yahweh touché, mon témé que l'amour n'a yo. Nduna, le feu, Mirabel Nduna, Yanene Anangi Nagoma. Iwa mobali, posa nende mateo. Oyo ya mwasi, kana nende mateo. Nazali héritière, ya héritage na yo. Utu esalama, bomoto nyo salala cheye. Edo zali, mbelite lelo, lale walo bie papa fwaza. Edo, oh, oh, oh, patase. Na loti no toi couchement sans douleur maman. Na zangi yose pourquoi ya non elanga. Na mitie na loposo ya moi soyo. Andi makinzo to na ezika makasi. Wabiki sa mwana na mongye na pongi. Na tango na kwezo zika makasi. Mwana kola koma ko wanga na ye. Ayebite longi ya mama ne ezika ibeba mpuna ye. Mon colonel Ntamboué. Cri d'alarme, oya détresse. C'est ouvert, y'a l'âme pour la lutte curé baïana niena paroissienne transfusé à bois qui suit d'honneur maillé semelle et ticali nous cotoyer mais à continuer de la colouka kaïdo nanamboula na sans état sapin nous comme on tangisa pinzolé l'eau. Ata kuto yamvule utaki musika na mabada. Woyanga pembeni nyosezo tuta mabere. Moto asali mbeba bazobo nila ye. Kala baleso amure pesa kabiso. Maladie koti kala jamais kubanga babume. Kasye kubanga sekisye kukimisa ye. Nakomi loko la imboyo. Malgré ba multiple intervention ya boudou. Jamais va comme la yata na porte chez méchant. Va préférer coco ma chaise établie à louer. Natikali, hors périmètre. Il y a raison et communique à sentiment et en anédo. Reste mon gagnant, seulement ton monté ma édo et lina. Maman a bonheur, Tatiana, Karina. Adelaide na mijoba mugani Lin dida frida lame Oya detresse Absence a te doe Komi orange nga Moke moke moke Ma bose ngoma Ziki saidi Tamba ishi komondele ime matumona Jipi kaki tenge semendoa Vye nanga bubul mobunga iyonela Nikonzi protege Viki jeni mokonza lion Ya Jose mkwayanzo Endo bominga Endo bominga Mubatasa bominga Mubatasa bominga Makila eko tanga nani ya kau sentima Apare ya sentima eso zela po branche po e fonksone Nazela kananga yo yo yo yo edo Atambisa zato mende na maiso kalendo boko benda ikaka Ben gombo japone adunga tumbwa na kisalu kecha kafe Iketi bongo mama na kertise jerarado Tino kindu dwa sheme Yobi, Mbata Sabomina, Yafredi Tagar, Edo Bomina, Nizan Pateko, Mbata Sabomina, Gilebien et Tequila, Michael Durand et toi, c'est étoile, Président Alino Kizaza, Honorable Patrick Bologna, Honorable Patrick Mouyaya, Yabinouat, Didon Koui, Président Donaka Yembe, Et son BB 52, Serge Kadilou Star Play, Ibro Kimvula, George Wea Waka Waka, Guy Manager, Papi Soul, H. Linéer, Dickerson, J.C. Belito, Gay Mamadou, la bière de luxe, Gauss Kibé, très très très fort, Losa Kumpaka, Jean-Baptiste et Kwaki.